plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes vintage de CIBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans la vieille échelle qui mène à mon grenier, ce fameux grenier rempli de tous mes souvenirs. Et cette semaine, on parle de quoi? Eh bien, aujourd'hui, on retourne sur les bancs d'école, mais pas pour étudier. Non, non, non, pour moi, c'est fini les examens, les devoirs et les retenues. Enfin, en théorie, parce que cette semaine, dans le grenier, on replonge dans ces films d'ados des années 80-90, ces films où l'école, ce n'était pas juste des cours, c'était une jungle, une place où les groupes se formaient, où les étiquettes vous collaient à la peau et où, des fois, il suffisait d'une journée pour tout changer. Donc, pour débuter, parlons du grand classique de film d'ado de cette époque. Je parle ici du film Breakfast Club, un film qui a rapporté un grand succès. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Il y avait un budget, d'après ce que j'ai lu, de 1 million et il en aurait rapporté plus de 50. Donc, un grand, grand, grand succès commercial. Dans ce film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on suit 5 adolescents complètement différents qui se retrouvent en retenue un samedi matin dans leur école secondaire. Il y a le sportif, la fille populaire, l'intello, le marginal et bien sûr le rebelle. Au départ, ils n'ont rien en commun, ils se jugent, s'ignorent, se provoquent. Mais au fil de la journée, obligés de passer du temps ensemble, ils doivent laisser tomber les masques. Ils réalisent que derrière les étiquettes, ils vivent tous des pressions, des insécurités et des problèmes familiaux. Donc, à la fin de la journée, ils comprennent qu'ils sont plus semblables qu'ils ne le pensaient et leur punition devient finalement une réflexion sur qui ils sont vraiment et sur la façon dont les adultes les perçoivent. Voilà pour le court résumé. Je suis allé aussi sur mon gros disque qui contient tous mes bons films et j'ai retrouvé Breakfast Club. On va donc prendre le temps d'écouter une des scènes de ce film de 1985. Dans la scène qu'on écoute, les cinq jeunes ont quitté le local de retenue et essaient de ne pas se faire attraper par le surveillant. Et surprise, le rebelle va faire quelque chose que les autres n'auraient pas cru. Il va se sacrifier pour le groupe. Mais une fois rattrapé par le surveillant, celui-ci va porter un jugement vraiment dur sur le jeune adolescent. C'est ce qui a aidé à rendre, je crois, ce film culte, de dénoncer ces jugements que certains adultes font parfois sur les plus jeunes sans vraiment chercher à les comprendre. Donc, on écoute la scène. On tourne là-bas, on prendra par le labo de chimie. T'as pas intérêt à te planter. Si jamais on tombe sur Vernon, ce sera de ta faute, connard. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais où est-ce qu'on va? Attendez une seconde, on va prendre par la cafétéria. Non, par le gymnase. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Non, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles. Il y en a marre maintenant de t'écouter. On va aller par là. Toi, tu vas par où tu veux, pauvre con. Allez, venez. Ouais, ça va. Merde! T'es vraiment un génie, Spartacus. Va chier! Va chier toi-même, t'avais qu'à écouter John! On est cuit. Non. Je suis cuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Repliez-vous sur la bibliothèque et mettez votre bataillon à couvert. Je veux voler pour la nation, le danger pour mission. Je veux partir pour l'aventure avec la mort dans la... Quelle espèce de petit salaud! Quand le jour arrivera, je l'élimine tout ça. J'irai tout le monde dans le ciel, retraité, en vent l'autre. Un soleil. embrasser les nuages, chante sur le voyage. Je veux voler pour la nation, le danger pour mission. Trois, deux, un. Panier. Bender. Bender, qu'est-ce que ça signifie? Où vous croyez-vous? Que faites-vous ici? Salut. Dehors, ça suffit, Bender. Dehors, vous avez compris? Vous voulez pas savoir pourquoi je suis ici? Dehors. Et je vais penser qu'en m'entraînant, j'arriverai à décrocher une bourse. Donnez-moi ce ballon. Donnez-moi ce ballon. Allez ramasser vos affaires, on s'en va. Monsieur le raisonneur a décidé de sa propre initiative d'aller au gymnase. Je suis au regret de vous informer que vous allez devoir vous passer de ses services pour le reste de la journée. Oh, les cornes. Tout est une immense rigolade, Bender. La fausse alerte au feu que vous avez déclenchée vendredi aussi, je suppose. C'est drôle, les fausses alertes, hein. Et qu'est-ce que vous diriez si votre maison brûlait avec toute votre famille? Ou si votre cam prenait feu? Ah, ça, c'est impossible. Elle est dans la culotte à Johnson. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Vous le trouvez balèze? Je vais vous dire ce que j'en pense. Regardez-le. C'est une cloche. Vous voulez vous amuser? Eh bien, c'est ça, aller rendre visite à John Bender dans seulement 4 ou 5 ans. Vous verrez qu'il est à mourir de rire. Donc, voilà pour l'extrait. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un très bon film. Il vaut la peine encore aujourd'hui d'être vu. Maintenant, petite pause musicale avant de poursuivre avec un autre film des années 80-90. On poursuit en chanson avec le thème de Breakfast Club du groupe Simple Minds, Don't You Forget About Me. Et si, dans les années 90, la voix la plus dangereuse d'un ado n'était pas son comportement, mais sa radio pirate? Un autre film dont je veux vous parler, un autre classique, on retourne cette fois en 1990 avec Pump Up the Volume. Dans ce film, on suit un ado discret, presque invisible à l'école le jour, mais la nuit, il devient tout autre chose. Derrière un micro clandestin dans son sous-sol, il prend l'antenne et il parle sans filtre à toute une génération d'ados qui se reconnaissent enfin dans ses mots. Un personnage double, une vie cachée et une fréquence FM illégale qui va secouer toute une ville. Et que nous dit ce film? Quand on se sent seul ou incompris, se taire ne règle rien. Trouver sa voix peut tout changer. Mais comme dans Breakfast Club dont je parlais plus tôt, ce film nous montre des ados qui vivent les mêmes choses, mais qui n'osent pas en parler. Il critique lui aussi le monde des adultes qui écoutent peu ou mal les jeunes. Et surtout, il dit que la parole d'un ado, même imparfaite, peut devenir une forme de libération et de résistance. Le personnage de Christian Slater incarne justement ça, un ado invisible le jour, mais une voix puissante la nuit. Ce film débute très fort. Directement dans l'intro, on entend Harry qui parle sur les ondes de sa radio pirate. Vous ne trouvez pas, vous, que l'Amérique est vraiment dans une merde totale? Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le pays est à deux doigts de dire ras-le-cul. Il y en a marre. Quoi, c'est pas vrai, tout est pollué. L'environnement, le gouvernement, les lycées, il y a le choix. Tiens, en parlant de lycée, l'autre jour, je blandais dans les sacro-saints couloirs, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une vie après le lycée? J'ai déjà du mal à imaginer demain, alors une année entière de cette merde. Ouais, dans le mille et mille. C'est encore moi et mes conseils de savoir-vivre à l'usage de tous, bande de petits vénards. Vous tous, braves gens qui habitez America the Beautiful. Voyons voir, on est sur 92 FM ce soir. Pour l'instant, c'est une jolie petite fréquence bien peinarde. Personne pour nous faire chier, le paradis. Eh oui, les gourdins, vous avez tout bon. Ce soir, je bande comme un piano à queue, alors restez branchés parce que votre motard électrique a des tas de trucs à vous dire, comme de bouffer des céréales avec une fourchette et de faire vos devoirs dans le noir. Chaque fois que moi je réécoute cette intro là, de Pump Up the Volume, j'ai le goût de réécouter le film. Donc, c'est un choix pour vous. Pour bien débuter ce week-end, ce soir, là, si vous cherchez quelque chose à écouter, un film qui est quand même assez sérieux et qui a une bonne histoire, là, qui vous captive jusqu'à la fin, je vous conseille Pump Up the Volume. Maintenant, on change complètement de registre. On s'en va dans un registre plus comique, un peu plus drôle. On parle maintenant d'un autre film d'ado. Un film que j'ai bien aimé en 1986, La folle journée de Ferris Bueller. Si vous étiez ado dans ces années-là et que vous avez vu ce film, il vous donnait le goût de sécher les cours pour s'amuser. Mais bon, il fait tellement des choses incroyables dans le film durant sa journée que moi, je me voyais mal limité. Donc, Ferris, c'est qui? C'est un ado qui a compris une chose très simple. Parfois, pour vivre quelque chose de mémorable, il faut simplement ne pas suivre les règles. Un matin, il décide donc de sécher l'école, mais au lieu de rester à ne rien faire, il transforme cette journée en une véritable aventure en ville. Avec sa copine et son meilleur ami complètement dépassés, ils enchaînent les moments cultes comme si la vie elle-même était un terrain de jeu. Pendant ce temps-là, un directeur d'école obsédé tente de le coincer sans jamais vraiment y arriver. Ferris Bueller, c'est un peu l'incarnation de cette idée. Et si une seule journée pouvait devenir inoubliable juste parce qu'on décide de la vivre autrement? Pour se rappeler ce film, réécoutons sa bande-annonce. Ferris, tu es malade. Tâche de ne pas faire d'imprudence, il faut que tu guérisses. Papa, tu as peut-être raison. Je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort? Ils ont marché. Pourquoi lui sécherait alors que tout le monde est obligé d'aller au lycée? Je vais sécher aujourd'hui, alors habille-toi et rapplique à la maison. Ferris, mon père aime cette voiture plus que sa vie. Un homme qui fait passer ce genre de folie avant ses obligations essentielles ne mérite pas semblable voiture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire, mais de savoir ce qu'on ne va pas faire. Il fait tout ce qu'il veut. Et depuis que je connais, j'ai pu me rendre compte que tout lui réussit. Quand il veut. Il est très relax. Et il ne s'est jamais épinglé, le salaud. La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Tu réalises que normalement, on devrait être en gym en ce moment. Ce qui est surtout à craindre chez un personnage comme Ferris Bueller, c'est qu'il ait une mauvaise influence sur les bons sujets. Ferris Bueller, tu le connais pas? Ah si, je le connais, il me fait bûcher ma physique. Pour eux, c'est le mec plus ultra. Salut, je suis Ed Froman. Le roi de la saucisse de Chicago? Oui, c'est moi. Oui, tu sais, moi je le verrais bien en champion de la contestation défendant les causes perdues. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne permettrai pas qu'un petit morveux essaie de me tondre l'herbe sous le pied. Est-ce que tu voudras te marier? À Central Park en mai. Je veux dire si j'étais pas un imbécile. Bien sûr. Aujourd'hui? Quand il verra que toute sa vie il a travaillé pour des prunes, alors il se souviendra d'Edouard Rouney. Salut Dodo. Elle est morte, la voiture, Cameron. Tu l'as tuée. Mon meilleur pote a craqué. Je te dirai, Ferris. Je pense qu'il faut répondre de façon audacieuse. Finalement, je t'ai gaulé. Un truc vachement osé. Oh, il est tellement extra. Tous, il l'adore. Je t'embrasse. Un truc dément. La folle journée de Ferris Bueller. La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce. Depuis le début de l'émission, on parle de ces vieux films d'ado qui ont tous un petit quelque chose en commun. Dans The Breakfast Club, c'est la liberté par la rencontre, le moment où des ados que tout oppose réalisent qu'ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne le pensaient. Pump Up the Volume, c'est la liberté par la parole, celle d'un ado qui utilise une voix pirate pour dire ce que personne n'ose dire. Et dans La folle journée de Ferris Bueller, c'est la liberté par l'action, le refus de rester dans le cadre et la décision de transformer une journée ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Et pour le prochain film, je veux parler de la liberté par la pensée. Je vais maintenant vous parler de ce film de 1989, La société des poètes disparus. Dans une école très stricte, des élèves, grâce à un professeur joué par l'excellent Robin Williams, vont être poussés à réfléchir autrement, à sortir des chemins tout tracés et à se demander ce qu'ils veulent vraiment devenir au lieu de simplement suivre ce qu'on attend d'eux. Donc, on écoute un passage de ce film que je nommerai Carpe Diem. Cueillez sans tarder le bouton de la rose, cueillez pendant qu'il en est temps, car pour cette fleur aujourd'hui éclose, demain est déjà d'antan. Merci, Monsieur Pitts. Cueillez sans tarder le bouton de la rose. En latin, on exprime ce sentiment en disant Carpe Diem. Qui en connaît la signification? Carpe diem, c'est saisir le jour. Bravo, monsieur. Mix. Mix, un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela? Parce qu'il était pressé. Non! Ding! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre. Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne n'en échappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer. Nous nous refroidirons et nous mourrons. J'aimerais que vous vous approchiez un peu et que vous regardiez attentivement ces vieilles photos. Vous êtes passé devant très souvent, mais je ne crois pas que vous les ayez examinées de près. Au fond, ils ne sont pas si différents de vous, non? Même coupe de cheveux, plein d'hormones, tout comme vous. Invincible, comme vous vous sentez. Le monde leur appartient. Ils croient qu'ils sont destinés à de grandes entreprises, tout comme beaucoup d'entre vous, leurs yeux brillent d'espoir comme les vôtres. Alors, auront-ils attendu qu'il soit trop tard pour accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont ils étaient capables? Parce que voyez-vous, messieurs, ces gars-là passent leur temps à fertiliser les jonquilles maintenant. Mais si vous écoutez, vous allez les entendre. Ils vont vous communiquer leur héritage. Tendez l'oreille. Approchez-vous. Retenez votre souffle. Vous entendez? Carpe sauter sur l'occasion, les gars. Donnez à vos vies un sens extraordinaire. Voilà, un autre bon film d'ado qui a sa place dans tous les bons clubs vidéo. Maintenant, petite pause musicale avant de conclure ce grenier pop. On écoute le groupe Wham avec la chanson « Wake me up before you go, go ». On écoute. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. Jitterbug into my brain. Déjà à la fin de cette émission, j'espère que vous avez aimé faire ce petit voyage, ce petit retour en arrière avec moi, et vous rappeler le meilleur des films d'ado de cette époque où les gilets fluo étaient encore populaires, que rembobiner sa cassette avec un crayon avant de la mettre dans son Walkman jaune était tout à fait normal, et que nourrir son Tamagotchi était une étape essentielle dans votre journée d'ado. Avant de terminer, laissez-moi vous inviter à notre bingo radio ce dimanche à 13h sur nos ondes vintage de CIBL 101.5 FM. Comme chaque semaine, nous avons 3 500 $ en prix à gagner. Pour acheter vos cartes et jouer avec nous, je vous invite à visiter la page de l'émission Bingo Radio sur CIBL1015.ca. Toutes les informations pour jouer avec nous s'y trouvent simplement et rapidement. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine remplie de musique, de souvenirs et de belles découvertes rétro. C'était Frédéric Lavoie qui était avec vous dans ce Grenier Pop. Des souvenirs, on fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop, le grenier pop. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop.